À l'occasion du 5e anniversaire de la promotion du maréchal Kim Jong-un au poste de commandant suprême de l'armée populaire de Corée, le corps des attachés militaires en Corée a visité le 29 décembre l'école révolutionnaire de Mangyongdae. Les attachés militaires ont tout d'abord déposé les bouquets de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il érigées à l'école et formulé leur hommage. Ensuite, ils ont fait le tour de la salle d'éducation aux faits révolutionnaires, de la salle de cours et du gymnase complexe. Puis, ils ont livré des épreuves de tir au stand de tir.